Entrons dans cette salle. Tu ne fais donc d'arriver? Je viens de mettre pied à terre à la première hôtellerie du village. J'ai demandé le chemin du château, suivant l'ordre de votre lettre, et me voilà dans l'équipage que vous m'avez prescrit. De ma figure, qu'en dites-vous? Y reconnaissez-vous votre valet de chambre? Et n'ai-je pas l'air un peu trop seigneur? Tu es comme il faut. À qui t'es-tu adressé en entrant? Je n'ai rencontré qu'un petit garçon dans la cour et vous avez paru. À présent, que voulez-vous faire de moi et de ma bonne mine? Te proposer pour époux à une très aimable fille. Tout de bon? Ma foi, monsieur, je soutiens que vous êtes encore plus aimable qu'elle. Et non, tu te trompes. C'est moi que la chose regarde. En ce cas-là, je ne soutiens plus rien. Tu sais que je suis venu ici il y a près de 2 mois pour y voir la terre que mon homme d'affaires m'a achetée. J'ai trouvé dans le château une madame Argante qui en était comme la concierge et qui est une petite bourgeoise de ce pays-ci. Cette bonne dame a une fille qui m'a charmé et c'est pour elle que je veux te proposer. Pour cette fille que vous aimez? Oh, la confidence est gaillarde. Nous serons donc 3. Vous traitez cette affaire-ci comme une partie de piquet. Écoute-moi donc. J'ai dessein de l'épouser moi-même. Je vous entends bien quand je l'aurai épousée. Me laisseras-tu dire? Je te présenterai sur le pied d'un homme riche et mon ami afin de voir si elle m'aimera assez pour te refuser. Ah, c'est une autre histoire. Et cela étant, il y a une chose qui m'inquiète. Quoi? C'est qu'en venant, j'ai rencontré près de l'hôtellerie une fille qui ne m'a pas aperçu, je pense, qui causait sur le pas d'une porte, mais qui m'a bien la mine d'être une certaine Lisette que j'ai connue à Paris il y a 4 ou 5 ans et qui était à une dame chez qui mon maître allait souvent. Je n'ai vu cette Lisette-là que 2 ou 3 fois, mais comme elle était jolie, je lui en ai compté tout autant de fois que je l'ai vue. Et cela vous grave dans l'esprit d'une fille. Mais vraiment, il y en a une chez madame Argante de ce nom-là, qui est du village, qui a toute sa famille et qui a passé en effet quelque temps à Paris avec une dame du pays. Ma foi, monsieur, la friponne me reconnaîtra. Il y a de certaines tournures d'hommes qu'on n'oublie point. Tout leur maître que j'y sache, c'est de payer d'effronterie et lui persuader qu'elle se trompe. Oh, pour de l'effronterie, je suis en fond. N'y a-t-il pas des hommes qui se ressemblent tant qu'on s'y mépend? Alors, je ressemblerai, voilà tout. Mais, dites-moi, monsieur, souffririez-vous un petit mot de représentation? Parle. Quoiqu'à la fleur de votre âge, vous êtes tout à fait sage et raisonnable. Il me semble pourtant que votre projet est bien jeune. Hein? Doucement. Vous êtes le fils d'un riche négociant qui vous a laissé plus de 100 000 livres de rente et vous pouvez prétendre au plus grand parti. Le minois dont vous parlez, est-il fait pour vous appartenir en légitime mariage? Riche comme vous êtes, on peut se tirer de la meilleure marché, ça me semble. Tais-toi. Tu ne connais point celle dont tu parles. Il est vrai qu'Angélique n'est qu'une simple bourgeoise de campagne, mais originairement, elle me vaut bien et je n'ai pas l'entêtement des grandes alliances. Elle est d'ailleurs si aimable, et je démêle à travers son innocence tant d'honneur et tant de vertu en elle. Elle a naturellement un caractère si distingué que si elle m'aime, comme je le crois, je ne serai jamais qu'à elle. Comment si elle vous aime? Est-ce que cela n'est pas décidé? Non, il n'a pas encore été question du mot d'amour entre elle et moi. Je ne lui ai jamais dit que je l'aime. Mais toutes mes façons n'ont signifié que cela. Toutes les siennes n'ont été que des expressions du penchant le plus tendre et le plus ingénu. Je tombais malade 3 jours après mon arrivée ici. J'ai même été en quelque danger. Je l'ai vue inquiète, alarmée, plus changée que moi. J'ai vu des larmes couler de ses yeux sans que sa mère s'en aperçût. Et depuis que la santé m'est revenue, nous continuons de même. Je l'aime toujours, sans le lui dire. Elle m'aime aussi, sans m'en parler, et sans vouloir cependant m'en faire un secret. Son cœur, simple, honnête et vrai, n'en sait pas davantage. Mais vous, qui en savez plus qu'elle, que mettez-vous un petit mot d'amour en avant, il ne gâterait rien? Il n'est pas temps. Tout sûr que je suis de son cœur, je veux savoir à qui je le dois, et si c'est l'homme riche ou seulement moi qu'on aime. C'est ce que j'éclaircirai par l'épreuve où je vais la mettre. Il n'est encore permis de n'appeler qu'amitié ce qui est entre nous deux, et c'est de quoi je vais profiter. Voilà qui est fort bien, mais ce n'était pas moi qu'il fallait employer. Pourquoi? Oh, pourquoi? Mettez-vous à la place d'une fille et ouvrez les yeux, vous verrez pourquoi. Il y a 100 à parier contre 1 que je plairai. Le sot. Eh bien, si tu plais, j'y remédierai sur le champ en te faisant connaître. As-tu apporté les bijoux? Tenez, voilà tout. Puisque personne ne t'a vu entrer, retire-toi avant que quelqu'un que je vois dans le jardin n'arrive. Va t'ajuster et ne parais que dans une heure ou deux. Si vous jouez le malheur, souvenez-vous que je vous l'ai prédit.